c'est pas ma fête. Elle m'a quitté, je me suis liquéfié. Jamais plus à remonter sur ce talus. Avant que je n'oublie.